Nous avons ici un bocal qui contient du chou et des carottes fermentées mélangées, qui a été préparé lors du premier atelier de Fermentlab au mois de février. Et donc, ce bocal et son contenu surtout fermentent depuis lors. On peut voir à travers le couvercle au-dessus, sur le dessus du bocal, un caillou qui a été posé là afin de peser sur le ferment. Pour qu'il reste en dessous du niveau du liquide en fait, qu'il a lui-même produit, pour que la lactofermentation puisse opérer de la façon la meilleure possible.